Être. To be. To be. Et au passé, j'étais? I was. I was. I was. Et je n'étais pas? I was not. I was not. Et avec la contraction? I wasn't. I wasn't. Il était? She was. He was. He was. Elle n'était pas? She wasn't. She wasn't. C'était? It was. It was. Ce n'était pas? It wasn't. It wasn't. Vous étiez? You were. Right. You were. Étiez-vous? Were you? Right. Were you? Où étiez-vous? Where were you? Right. Where were you? Nous étions. We were. We were. Nous n'étions pas. We weren't. Yes. We were not. We weren't. Ils étaient. They were. They were. Ils n'étaient pas. They weren't. They were not. They weren't. Très bien. Le participe passé du verbe être, c'est-à-dire du verbe to be, à employer au passé composé après l'auxiliaire avoir, est been. Been. Been s'écrit B-E-E-N. Been. Been. Alors, comment dit-on « j'ai été » ? I have been. I have been, yes. Nous avons été. We have been. We have been. Nous n'avons pas été. We have not been. We have not been. Nous n'avons jamais été là. We have never been there. Right. We have never been there. We have never been there. Dormir? To sleep. To sleep. Le passé simple de ce verbe est slept. Slept. Slept s'écrit S-L-E-P-T. C'est pareil que le participe passé employé pour le passé composé. Slept. J'ai dormi au passé composé? I have slept. I have slept. Yes. J'ai bien dormi au passé simple? I have... Non, au passé simple. I slept. I slept well. I slept very well. Et je n'ai pas bien dormi. I didn't sleep well. Right, I didn't sleep well. Avez-vous bien dormi? Did you sleep well? Right, did you sleep well? Yes, thank you very much. Mais j'ai fait des rêves. I had a dream. En anglais? En anglais. Alors, comment dit-on voir? To see. To see. Je l'ai vu au passé simple. I see. Passé simple? I saw. Saw. Saw. Saw. Saw. Je l'ai vu. I saw it. I saw it. Je ne l'ai pas vu. I didn't see it. Right. I didn't see it. Et comment dit-on « je l'ai vu » au passé composé? I have seen it. Right, I have seen it. Yes. Il existe deux formes différentes pour exprimer le passé simple et le passé composé. I saw it et I have seen it.